êtes une fille de joie aux longues jambes amoureuses. On voulait la prendre dans nos bras pour sentir sa poitrine pulpeuse. Elle passait ses nuits de queue en juin en attendant le petit matin. Revenir à la routine du jour et continuer de rêver à l'amour. Mais est-ce cependant que la vieillesse tôt ou tard sera son cri de détresse qui lentement atténuera les réflexes lorsque viendra la scorne du sexe. Un charmant dans sa belle Cadillac vient chaque soir en changeant de visage. La fortune qui lui glisse au corsage sert à payer l'héroïne de son Mac. Au coin d'une rue, elle attend le bonheur en shootant les angoisses de sa peur. Car déjà les voitures ne s'arrêtent plus, l'âge l'a déjà perdu. Et elle sait cependant que la vieillesse tôt ou tard sera son cri de détresse qui lentement attirera les réflexes lorsque viendra la scorne du sexe. Petit à petit, son amour s'agrandit. À chaque jour, petit à petit, son amour la détruit. Au mieux, elle sera une glad lady, cherchant chaque soir un morceau de poulet frit. Au pire, elle sera couchée au fond d'une cour, engraissant les fleurs de son sang de velours. Et c'est cependant que la vieillesse tôt ou tard sera son cri de détresse qui lentement atténuera les réflexes lorsque viendra la scorne du sexe.